Ces derniers jours, en Corée du Sud, les États-Unis et les autorités militaires sud-coréennes s'affairent au simulacre de guerre contre la République populaire démocratique de Corée. Les manœuvres Hokuk commencées depuis le 31 octobre ont atteint l'étape grave. Le 8, des hélicoptères américains et du commandement d'opérations aériennes, le bataillon d'assaut de la 30e division de l'armée de terre sud-coréenne, ont effectué les exercices pour lancer les commandos dans la profondeur de notre intérieur. Le 2, à Prohang, province du Gyeongsang du Nord, les exercices de débarquement sur la zone côtière de notre côté se sont déroulés à l'étape d'action décisive. Y ont pris part des milliers de militaires des troupes de débarquement de la 1ère division de l'infanterie de la marine et du bataillon de ravitaillement mobile, et toutes sortes de moyens de débarquement, les forces armées aériennes et des bateaux civils sud-coréens, ainsi que l'infanterie de la marine et la batterie américaine. Le 3 novembre, à Procheon, province du Gyeonggi, la 20e division de l'infanterie motorisée sud-coréenne a fait appel aux tanks, chars blindés et canons pour tirer même des obus réels en coopération avec les forces aériennes pour s'habituer au procédé de création des conditions d'attaque. Séparément des manœuvres Hokuk, depuis le 4, les GIs et les forces aériennes sud-coréennes livrent pour la première fois dans l'histoire, en collaboration avec les forces aériennes britanniques, les exercices aériens conjoints codés Bouclier Invincible dans la base aérienne américaine à Osan. Ils se sont enquis du plan d'exercice et de la topographie jusqu'au 7 novembre, avant de se mettre aux exercices principaux depuis le 8. Toutes sortes d'avions de combat, avions citernes et avions de transport stratégique s'entraînent à frapper avec précision les installations militaires, notamment le commandement de l'adversaire. Chose plus sérieuse, c'est que les autorités militaires sud-coréennes inspectent des champs d'entraînement militaires et des troupes en fomentant la psychose de guerre. Le chef du commandement unifié des armées sud-coréennes s'est rendu le 7 au commandement de la 3e troupe de campagne pour parler d'une certaine provocation et des soi-disant représailles résolues. Il a ensuite inspecté les champs d'exercice militaire au parage du fleuve Han du Sud, le commandement d'opérations aériennes de l'armée de terre, etc., et ordonné de perfectionner la capacité et la posture pour accomplir la mission d'opération urgente et de rehausser d'un cran la capacité d'accomplissement d'opérations aériennes. Le 9 courant, le commandant en chef de l'infanterie de la marine sud-coréenne a inspecté l'île de Paengnyeong, l'île de Gwanghwa, Kimpo de la province du Gyeonggi, etc., pour examiner la posture de départ pour offensive. En effet, la démarche des gros bonnets militaires sud-coréens s'avère très dangereuse.